Chapitre 27 La nihiliste. Dans les dortoirs des sous-sols, les portes des chambres s'ouvraient et se fermaient sans fin malgré l'heure tardive. Les becs de gaz avaient été mis en veilleuse pour la nuit. Certains domestiques partaient reprendre leur service, d'autres revenaient se coucher. Tous se bousculaient sans un mot d'excuse. Si quelques-uns s'accordaient le temps de bavarder avec leurs voisins de chambre, café à la main, la plupart s'ignoraient royalement. Tout au fond des dortoirs, la rue des Bains était envahie par des nuages de vapeur chaude. Les valets faisaient la queue, serviettes sur l'épaule, pour passer dans les douches collectives. Empester la transpiration faisait partie des interdits de la profession. La cacophonie des jets d'eau, des vocalises et des insultes résonnait à travers tout le couloir. De l'autre côté de la porte du 6, rue des Bains, verrouillée à double tour, la tante Roselyne n'en finissait plus de s'indigner. « Nom d'un cornet à piston ! Comment peux-tu dormir avec un bruit pareil ?»« Question d'habitude, » murmura Ophélie. « Ça ne s'arrête jamais ?»« Jamais. »« Ce n'est pas un endroit pour une jeune dame. Et puis, cette chambre est détestable. Regarde-moi ces murs pourris d'humidité. Pas étonnant que tu sois toujours malade. Oh, tu grimaces. C'est ici que t'as mal ?» Roselyne fit une légère pression sur la côte et Ophélie fit oui de la tête, les dents serrées. Elle s'était allongée sur le lit, sans livrée, chemise relevée, tandis que les longues mains nerveuses de sa tante lui palpaient les flancs. « C'est bien une côte fêlée. Tu vas devoir te reposer, éviter les mouvements brusques et surtout ne rien porter de lourd pendant au moins 3 semaines. »« Mais, Bérénilde... » »« Elle a prouvé son impuissance à te protéger. Tu ne dois le salut qu'à la bonne foi de cette île de garde. » Ophélie ouvrit la bouche, puis se ravisa. Ce n'était pas à sa bonne foi, mais à son mensonge qu'elle devait la vie. Elle n'avait pas la naïveté de croire que rien ne lui serait demandé en retour. « Fini de jouer les larbins !» grommela Roselyne. « Toute cette histoire va beaucoup trop loin. À ce rythme, tu seras morte avant d'avoir épousé ton énergumène de fiancée. »« Pas si fort !» chuchota Ophélie avec un regard entendu pour la porte. La tante pinça sa grande bouche chevaline, elle plongea un linge dans un récipient d'eau froide, puis nettoya le sang séché sur la lèvre fendue d'Ophélie, la plaie de son front, ses cheveux embrouillés. Pendant un long moment, elles ne dirent plus rien, ni l'une ni l'autre, et le chahut de la rue des Bains prit toute la place. Étendue sur le dos, débarrassée de ses lunettes, Ophélie ne respirait pas à son aise. Le soulagement d'être en vie avait lentement cédé le pas à un arrière-goût amer. Elle se sentait trahie et écœurée. Après ce qui venait d'arriver, il lui semblait qu'elle ne pouvait réellement faire confiance à personne. Elle observa la silhouette étriquée, un peu floue, qui la soignait à petits gestes prudents. Si la tante Roselyne avait la moindre idée de ce qui s'était réellement passé, d'abord à la chapelle, puis aux oubliettes, elle se serait rendue malade d'inquiétude. Ophélie ne pouvait pas lui en parler, sinon elle aurait été capable de faire une bêtise et de se mettre en danger. « Ma tante !» Oui. Ophélie voulut lui dire qu'elle était heureuse qu'elle fût là, qu'elle avait peur pour elle aussi, mais tous les mots se coinçaient dans sa gorge comme des cailloux. Pourquoi n'arrivait-elle jamais à parler de ces choses-là? Ne montrez pas vos sentiments aux autres, bredouilla-t-elle à la place. Gardez votre colère secrète. Fondez-vous dans le décor. Ne comptez que sur vous-même. La tante Roselyne haussa les sourcils et tout son front, dégagé par son chignon serré, parut se retrécir d'un coup. Avec des mouvements lents, elle essora le linge et le posa à plat sur le récipient d'eau. « Voir des ennemis partout ? » dit-elle gravement. « Crois-tu que ce soit une existence supportable ?»« Je suis désolée, ma tante. Essayez de tenir bon jusqu'au mariage. »« Je ne parlais pas pour moi, sotte. » Il me semble que c'est toi qui vas vivre ici pour le restant de tes jours. » Le ventre d'Ophélie se noua. Elle s'était promis de ne jamais flancher. Elle détourna la tête et ce simple mouvement lui fit mal dans tout le corps. « Je crois que j'ai besoin de réfléchir, » murmura-t-elle. « Honnêtement, je n'y vois plus très clair. » « Dans ce cas, tu pourrais commencer par mettre ça. » La tante Roselyne lui posa ses lunettes sur le nez, non sans une certaine malice. La petite chambre insalubre retrouva ses lignes nettes, ses contours précis, son désordre familier. De vieilles gazettes subtilisées, des tasses à café sales, une boîte de gâteaux, un panier de chemises propres et repassées. Renard venait voir Mime à chacune de ses pauses et il n'arrivait jamais les mains vides. Ophélie se sentit aussitôt honteuse de s'être apitoyée sur son sort. Renard l'avait accueillie le jour de son arrivée, initiée à tous les rouages du clair de lune, conseillée au mieux, et il avait été là à sa sortie des oubliettes. Ce n'était pas l'homme le plus désintéressé qui fût, mais il n'avait jamais cherché à lui nuire, et Ophélie commençait à comprendre que c'était une qualité rare. « Vous avez raison, » chuchota-t-elle, « j'y vois déjà un peu mieux. » La tante Roseline passa une main attentionnée un peu rude dans ses lourdes boucles brunes. « Non, d'un démêloir, tes cheveux sont un vrai sac de nœuds. Assieds-toi, je vais essayer de débrouiller tout ça. » Quelques coups de peigne plus tard, la sonnette salon de musique résonna sur le panneau à clochette au-dessus du lit. « Ta marâtre et son maudit opéra !» soupira la tante Roseline. « Elle a beau dire, elle est complètement obsédée par ça. Je me charge des partitions. Toi, tu te reposes. » Quand la tante fut partie, Ophélie décida de se rhabiller. Mieux valait ne pas se promener trop longtemps avec son vrai visage sur le cou. Endosser sa livrée réclama beaucoup de gestes prudents, mais bien lui en prit. À peine eut-elle fini de se boutonner qu'on frappa à sa porte. La première chose qu'elle vit en ouvrant, ce fut l'énorme pavillon d'un phonographe. Sa surprise alla croissant quand elle s'aperçut que c'était Gaël qui le lui apportait. « Il paraît que t'es en convalescence, » maugréa-t-elle. « Je viens avec un peu de musique. Je peux entrer, dis. » Ophélie se doutait qu'elle aurait affaire à elle tôt ou tard, mais elle ne l'attendait pas si vite. Gaël grinça des dents et le sourcil qui maintenait son monocle noir en place se fronça de contrariété. Elle était en simple chemise et salopette. Tous les valets qui sortaient des douches et des toilettes sifflaient en passant derrière elle. Cela ne se voyait pas quand elle portait ses grosses combinaisons habituelles. Mais la mécanicienne avait de très jolies courbes. Ophélie lui fit signe d'entrer et ferma à clé derrière elle. Sans perdre un instant, Gaël posa le phonographe sur la petite table, sortit précautionneusement un disque du sac qu'elle portait en bandoulière, le plaça sur le plateau tournant et remonta le moteur à ressort. Une musique fracassante de fanfare remplit toute la pièce. « Les murs ont des oreilles, » s'expliqua-t-elle à voix basse. « Ainsi, nous pourrons parler à notre aise. » Gaël plongea sur le lit comme si c'était le sien et s'alluma une cigarette. « De femme à femme, » ajouta-t-elle avec un sourire moqueur. Ophélie poussa un soupir résigné et s'assit sur un tabouret lentement pour ménager ses côtes. Elle commençait à se douter que la mécanicienne l'avait percée à jour. « Ne fais pas ta timide, » insista Gaël en étirant davantage son sourire. « Je parie que tu n'es pas plus muette que masculine. »« Depuis quand le savez-vous ? » demanda alors Ophélie. « Depuis le premier instant. Tu peux berner tout le monde, ma mignonne, mais pas la Gaël. » La mécanicienne rejeta la fumée de sa cigarette par le nez, son œil bleu électrique fixé sur Ophélie. Elle était beaucoup plus agitée qu'elle ne voulait le montrer. « Écoute !» cracha-t-elle entre ses dents. « Je sais ce que tu dois penser, c'est pour ça que je suis ici. Je ne suis pas responsable de ce traquenard dans lequel tu es tombé. Si incroyable que ça puisse paraître, j'ignorais que ces oranges étaient empoisonnées. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, j'ai jamais voulu te créer des ennuis. C'est même tout le contraire. » La fanfare du phonographe recouvrait si bien sa voix nerveuse qu'Ophélie avait du mal à l'entendre. « Je sais qui tu es. En tout cas, je le suppose. Une petite nouvelle qui doit se travestir pour servir la purne Bérénilde. Tu ne peux être que la fiancée de son neveu, dont chacun ici guette l'avenue. Tu n'es pas encore arrivé que tout le monde te déteste déjà, le sais-tu ?» Ophélie acquiesça d'un clignement de paupières. Oh oui, elle le savait. Les ennemis de Thorn étaient devenus les siens et il en comptait un nombre impressionnant. « Je trouve ça dégueulasse !» reprit Gaël après avoir aspiré une nouvelle bouffée de tabac. « C'est ce que ça fait d'être haï pour être né dans la mauvaise famille. Je t'observe depuis le début et j'ai pensé que t'allais te faire manger toute crue. C'est pour ça que je voulais te recommander à ma patronne. Les oranges, c'est une sorte de code entre nous. Je te jure que j'étais sincère quand je te disais que c'était quelqu'un de différent, qu'elle t'accepterait tel que tu es, sans te juger. « Je n'ai jamais douté de votre bonne foi, » assura Ophélie. « Comment se porte Madame Hildegarde ?» Gaël faillit en perdre son monocle. « T'as jamais douté de moi ? Eh ben, je sais pas ce qu'il te faut !» Elle écrasa sa cigarette sur le barreau en fer du lit et s'en alluma aussitôt une deuxième. La mère sera bientôt sur pied, dit-elle en secouant son allumette pour l'éteindre. Elle a une santé d'acier. Le poison qui la tuera n'a pas encore été inventé. Son histoire d'allergie n'était pas très crédible, mais bon, l'important, c'est qu'elle t'ait disculpée. Pourquoi l'a-t-elle fait ? Demanda Ophélie d'un ton circonspect. C'est elle qui je suis, elle aussi ? Non, et elle ne le saura que si tu décides de le lui dire. Je ne m'en mêlerai plus, tu as ma parole d'honneur. Au grand regret d'Ophélie, Gaël se sentit le devoir de souligner la formule d'un énorme crachat sur le sol, déjà peu reluisant, de sa chambrette. Je ne comprends toujours pas pourquoi votre madame Hildegarde m'attirait d'affaire, après tout. Rien ne prouve que je n'ai pas cherché à l'empoisonner. Toutes les apparences sont contre moi. Gaël ricana entre ses dents. Elle croisa les jambes, arborant sans honte deux gros souliers sales, et tous les ressorts du lit grincèrent à l'unisson. Sa salopette était tachetée de charbon et d'huile. Ophélie devrait certainement changer les draps après son passage. Parce que, comme tu dis, toutes les apparences sont contre toi. Tu te serais condamné à mort en empoisonnant les oranges, et puis la mère a la faiblesse de me faire confiance, et moi j'ai la faiblesse de te faire confiance. Sans vouloir te vexer, t'as une belle tête d'ingénu. Ophélie se raidit sur son tabouret, vérifia d'un coup d'œil dans la glace qu'elle avait bien l'apparence neutre de mime et revint, stupéfaite, à Gaël. Vous me voyez telle que je suis ? Gaël plissa les lèvres, hésitante, puis elle souleva le sourcil et ôta son monocle. C'était la première fois qu'Ophélie voyait son œil gauche. Il était aussi noir que celui de droite était bleu. De l'hétérochromie. Gaël portait un tatouage sur la paupière, un peu à la façon des mirages. « Je travaille au service de la mairie de garde, mais je suis né ici. Je suis la dernière survivante de mon clan. As-tu déjà entendu parler des nihilistes ?» Ophélie fit non de la tête, saisie par ces révélations. « Ce n'est pas étonnant, » poursuivit Gaël d'un ton sarcastique. « Ils sont tous morts, il y a une vingtaine d'années. »« Tous morts ?» dit Ophélie exsangue. Une étrange épidémie, persifla Gaël. Ainsi va la cour. Ophélie déglutit, ça sentait vraiment l'affaire sordide. Vous en avez réchappé? En me faisant passer pour une petite domestique de rien du tout, exactement comme toi aujourd'hui. J'étais gamine à l'époque, mais j'avais déjà compris beaucoup de choses. Gaël ôta sa casquette, puis ébroua ses cheveux sombres et courts qui retombèrent sur son visage dans un désordre indescriptible. Tous les nobliaux sont de petits blondinets, moi comprise. On tient cette farouque, notre très mal nommé esprit de famille. J'ai réussi à passer inaperçu en teignant mes cheveux en noir. Si ma présence ici venait à se savoir, je serais morte avant d'avoir pu visser mon dernier boulon, ajouta-t-elle avec un rictus amusé. J'ai découvert ton secret. Je te livre le mien. Ça me paraît équitable. Pourquoi ? Souffla Ophélie. Pourquoi chercherait-on à vous tuer ? Regarde-toi dans la glace. Ophélie sourcilla, se tourna à nouveau vers son reflet. À son grand étonnement, elle vit cette fois son véritable visage, couvert de bosses et de bleu, avec de grands yeux écarquillés derrière une paire de lunettes. « Comment faites-vous cela ?» Gaël tapota sa paupière tatouée. « Il me suffit de te regarder avec mon mauvais œil. Je suis une nihiliste. J'annule le pouvoir des autres et ta livrée est une pure concoction mirage. Tu comprends pourquoi je n'aime autant pas le crier sur les toits ?» Elle remit son monocle en place et Ophélie redevint mime sur la surface du miroir. « Cette lentille spéciale m'empêche d'annuler toutes les illusions que je reluque. Elle agit comme un filtre. » « Un peu à la façon des gants de liseur ?» murmura Ophélie en contemplant ses mains. « Mais vous m'avez démasqué malgré votre monocle. Il vous permet donc de voir ce qui se cache derrière les illusions ?»« Ma famille en vendait plein autrefois. » grommela Gaël dans un nuage de tabac. « Les mirages n'ont pas apprécié que chacun puisse voir tout ce que dissimulent leurs petits artifices. Nos monocles ont mystérieusement disparu, avec toute ma famille. Je n'ai pu sauver que celui-ci. » Sur ces mots, elle rabattit tout ce qu'elle put de cheveux sur son regard et enfonça profondément sa casquette. Ophélie l'observa tandis qu'elle terminait sa cigarette en silence. Elle comprit que, si les traits de cette femme étaient si durs, c'était à cause de toutes les épreuves qu'elle avait traversées. « Elle se revoit à travers moi, » songea Ophélie. « Elle veut me protéger comme elle aurait voulu qu'on la protège. » Elle sentit soudain son cœur palpiter jusque dans sa gorge. les sœurs, les cousines, les tantes, elle connaissait. Gaëlle était ce qui se rapprochait le plus d'une toute première amie. Ophélie aurait voulu trouver une phrase de circonstance, des mots assez forts pour exprimer l'immense gratitude qui la submergeait. Mais elle n'était décidément pas douée pour cela. « C'est bien aimable de me faire confiance, » balbutia-t-elle, honteuse de ne rien trouver de mieux à dire. « Ton secret contre mon secret !» grogna la mécanicienne en écrasant sa cigarette. « Je ne suis pas un ange, mes bichettes. Si tu me trahis, je te trahis aussi. » Ophélie remonta ses lunettes sur son nez, geste qu'elle pouvait enfin se permettre devant quelqu'un. « C'est de bonne guerre. » Gaëlle se leva dans un grincement de sommier et fit craquer les articulations de ses doigts comme un homme. « C'est quoi ton vrai nom ?»« Ophélie. »« Eh bien, Ophélie, t'es pas aussi anodine que t'en as l'air. Je te conseille tout de même d'aller rendre une visite de courtoisie à ma patronne. Elle a menti pour toi et elle ne supporte pas l'ingratitude. »« Je tâcherai de m'en souvenir. » Gaëlle désigna son phonographe du menton avec un sourire grimaçant. À la longue, la fanfare faisait mal aux oreilles. « Je t'apporterai d'autres disques. Bon rétablissement. » Elle pinça le bord de sa casquette en signe de salutation et claqua la porte derrière elle.